Un peu, non? Dérange pas? Ok. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Ce qui t'intéresse, ce n'est pas l'année, mais le mois. Le mois du futur. Explique. Ça, c'est des questions aussi. Moi, je vais donner une réponse comme il pose la question. Ok. Tu as eu ta réponse, Jacques. Tu as compris? Tu as compris? On en reparlera. Ok. J'ai hâte de choisir, là, mais je ne choisis pas. C'est plus facile à lire comme ça. Bafouille-moi. Un conférencier que d'ici 2 ans, il fallait se munir de provisions parce qu'il allait avoir un gros nuage noir qui le recouvrait, qui recouvrirait la planète. Est-ce une peur de l'ego ou une réalité? Bon, c'est ce qui arrive quand on laisse pousser des choses. Bon, un conférencier, bon, dit que d'ici 2 ans, il fallait se munir de provisions parce qu'il allait y avoir un nuage noir qui recouvrirait la planète. Vous savez, s'il y a un nuage noir qui recouvre la planète, c'est pas de provisions que vous aurez besoin. Donc, ça fait partie des mécaniques d'entretien des peurs. Voyez-vous, les prophéties servent surtout à forcer l'humanité à avoir peur, à le maintenir dans un contexte relativement bas du point de vue de la vibration. Chaque prophétie amenée par des prophètes parle d'apothéose. Le Nazaréen va dire à tout le monde qu'un jour vous ferez les mêmes choses que moi et même plus. Luc va se rappeler des prophéties apocalyptiques que le Nazaréen aura données. Jean de Patmos, celui qui va écrire l'Apocalypse, donc de Jean, se rappellera de cela aussi. On parle toujours d'un millénium, de 13 800 années de paix. Michel de Notre-Dame parle aussi de béatitude après. Tous les prophètes. De toutes les prophéties, l'humain retient la décadence. Et c'est probablement pourquoi les prophéties sont extrêmement réelles, surtout que l'Apocalypse est commencé dans le cœur et dans la tête de plusieurs personnes depuis déjà des années. On n'a pas à préparer de provisions, on n'a pas à préparer de ça. Si on veut, disons, paraboliser cela, on va dire que notre conférencier a dit une parabole. Et je vais vous expliquer la parabole. Bon. S'il donne une cassette. La Terre, donc, se recouvrirait, la Terre serait recouverte d'un nuage noir. On doit se faire des provisions. Oui. Faites provision d'énergie. Faites provision de toutes les sortes d'énergie, d'énergie physique, d'énergie vitale, d'énergie astrale. Mais l'énergie astrale, c'est une énergie qui permet les communications dans le contexte psychologique de l'humain, mais ce n'est pas de l'énergie égoïque, donc on ne peut pas conserver de l'ego. Ça, on devra l'éliminer, parce que c'est lui qui est rejeté par un paquet de personnes qui va se conscientiser, va obscurcir le ciel de l'astral, donc le ciel deviendra noir. Et beaucoup d'énergie au niveau mental et supramental. L'humain aura un besoin vital d'énergie qui se rapproche de l'intelligence qui a du cœur, ou du cœur intelligent, dans les temps qui vont venir. Tous ceux qui seront capables d'avoir suffisamment d'intelligence dans leur cœur et de cœur dans leur intelligence, ne vivront pas d'apocalypse. Ce sera l'apocalypse des autres. Les autres pourront la vivre. Alors non, faire des provisions, c'est un peu comme se faire un abri antinucléaire en plein centre de Montréal, encore qu'une bombe tomberait là. Mais si une bombe tombe en plein centre de Montréal, il y a des chances que ton abri se retrouve à la chute, premièrement. Hein? Et puis, la radiation peut rester de quelques mois à jusqu'à 40 années. Ce n'est pas tellement les provisions alimentaires qui vont être le problème. C'est les provisions de ce que vous allez rejeter, de ce que vous aurez mangé. T'sais? Mais l'humain n'a pas pensé à ça. Il va vous falloir des grosses fosses sceptiques. On ne fait pas de provisions. Pas alimentaire, physique. Vas-y. Ben, reste là, mais pose des questions. J'ai pas compris. Quel est ce pas? Que dois-tu faire avant nous et qu'on ne peut faire sans toi? Bon, voilà, c'est ce que je pensais. Vous voyez, c'est ça. Voilà, c'est la vie. Ça prouve quoi? Ça prouve une chose, c'est que lui veut pas que je réponde, puis moi, je suis pas sûr de vouloir répondre tout de suite. Ça prouve pas que la question n'est pas correcte. Mm-hmm. On va en parler la semaine prochaine. Ah ouais? Un petit peu d'un, un petit bout, ça de long. Un petit bout, ça de long. On va passer le reste de la soirée là-dessus. Ok. Je mets là, on va répondre aux autres questions, puis rapidement, sans ça, je le ramène la semaine prochaine, promis. Bon, okay. On y va. Le Nazaréen dit, « Je prie afin que tous ceux qui croient en moi et gardent ma parole soient un en moi, comme je suis un en le Père. Est-il possible aujourd'hui d'être avec un Christ? Comment? » C'est très, très, très intéressant comme question. C'est même que... C'est la semaine prochaine, hein? Ce qu'on doit comprendre brièvement, c'est que le Nazaréen représentait une forme d'expression de l'intelligence qui a du cœur et qui est capable d'initiation, qui est capable d'initier des choses, qui est capable de volonté. C'est une forme d'expression. Alors, on peut dire que c'est un faisceau, c'est un doigt de Dieu, un doigt. Il reste d'autres doigts. Alors, lui avait des frères et sœurs en esprit, ceux qui étaient reliés au même faisceau que lui. Alors, quand il est descendu, il a sauvé son humanité. Et il a pris le poids des péchés de son monde. Et il s'est résorbé. C'était donc évident que tous ceux qui croiraient en lui, donc capables de canaliser toutes les possibilités d'ascension que l'humain avait à l'époque vers son propre faisceau, donc vers lui, ceux de son faisceau qui pourraient se concentrer sur lui, seraient nécessairement fusionnés à lui et, on peut dire, sauvés dans le terme humain. Alors, je prie afin que tous ceux qui croient en moi et gardent ma parole, donc ceux qui sont capables, la parole c'est le verbe de l'énergie, donc garde son énergie, soit un en moi comme je suis un en le Père. Lui était un en le Père parce que finalement, par la suite, après un processus de fusion, il est devenu ce qu'il appelait le Père lorsqu'il était jeune. Mon Père dans le ciel, mon Père dans les cieux, c'est donc un autre niveau, et finalement, je suis. Il n'y avait rien d'autre. Est-il possible aujourd'hui d'être un avec Christ commun? L'énergie christique, connue à l'époque du Nazaréen sous le nom d'Esprit Saint, connu à l'époque d'aujourd'hui sous le nom d'intelligence supramentale, c'est quelque chose qui est là, qui a toujours été plus ou moins là. Le système solaire traverse à toutes les 2280 années des régions très denses d'énergie supramentale. C'est un rayonnement qui vient du centre de notre galaxie. Et nous traversons depuis quelques dizaines d'années un faisceau puissant qui va aller en s'amplifiant jusqu'en 93 et qui par la suite va s'estomper lentement. Par contre, il y aura suffisamment d'humains qui vont être capables de recevoir l'énergie supramentale, donc l'esprit, ou l'esprit saint, l'esprit pur, que l'énergie supramentale va continuer à rayonner sur le plan planétaire pour des milliers d'années. Ce qui n'a pas été le cas à l'époque du Nazaréen. Lui, lorsqu'il est parti, il a légué à Lazare, son meilleur ami, l'énergie, la conscience supramentale. Lazare qui devient le comte de Saint-Germain, qui devient Thomas Paine, qui devient un paquet de personnages à travers l'histoire. Et il a légué le support de l'illusion à Pierre. Donc Pierre qui va engendrer l'Église catholique qui veut dire universelle. Cette Église-là aura comme fonction de préserver l'intégrité ou l'ésotérisme ou l'occultisme de Lazare. Donc pendant que les gens sont focalisés sur une démarche idolâtre de ce que le Nazaréen a laissé, Lazare va travailler sur une démarche énergétique de ce que le Nazaréen a relégué. Et quand je parle de démarche de l'art au niveau de l'Église, ce n'est pas pour insulter l'Église. Mais les personnes vont prier des statues, ils vont prier, on l'appelle le Seigneur parce qu'il saigne sur la croix, alors ils vont prier le crucifix, le Seigneur, ils vont prier des icônes, ils vont prier des saints, ils vont prier surtout des paroles, c'est-à-dire, tu as péché, fais-moi 25, je vous salue Marie. Et même si tu as salué 25 fois, c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas être pardonné à toi-même. Ça a été laissé là pour que l'humanité ne s'occupe pas trop de choses qu'elle n'a pas intérêt à savoir. Pour permettre à des personnages comme Lazare et d'autres personnages qui ont couvert l'histoire de parvenir à faire à monter des structures pour permettre à l'humain de se conscientiser. L'énergie christique, donc, aujourd'hui, elle est présente. Elle est présente sous plus d'un faisceau. On peut donc considérer qu'il y aura plus qu'un Christ. On parle de Jésus l'enfant. Un jour, Jésus l'enfant a un contact supramental. Lorsqu'il accepte le contact vers la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, il est christifié. Et là, on parlera de Jésus-Christ. Et je dis souvent que lorsqu'il meurt sur la croix, lorsque l'humain se met à dire « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est Jésus qui parle parce que là, le Christ vient de partir. Hein, d'où l'expression qu'on dit. Bon. Alors, aujourd'hui, plus que ces 2000 dernières années, si on exclut le temps du Nazaréen, c'est fortement, non seulement possible, mais il y a plusieurs personnes qui seront capables d'être en contact avec leur esprit, donc l'Esprit Saint, et de finir par avoir un contact suffisamment fusionnel avec l'énergie christique, avec les ou avec le Christ, comme vous voulez. Ça va se faire comme si c'est fait dans le passé, mais dans des génétiques tellement supérieures à celles des apôtres, qu'effectivement, plusieurs parmi les personnes qui auront des contacts feront ce que le Nazaréen a fait, qui était un Jésus, qui était un être humain, qui a eu un contact, et pourra faire probablement beaucoup plus que ce que lui a fait du point de vue de tout ce qu'il a exprimé. La nuance majeure, c'est que le Nazaréen a fait des choses surtout pour convaincre son humanité qu'il était la voie, le chemin, la lumière, alors que les prochains Christ, donc les prochains personnages qui auront suffisamment de contact avec leur propre esprit, eux n'auront pas besoin de faire une plénitude de choses dans le but de convaincre, parce que les individus devront eux-mêmes se réveiller. On ne pourra pas les réveiller. Et quand ils seront réveillés, on pourra les aider à parfaire, comme tout à l'heure on parlait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsque le Nazaréen dit que « je reviendrai un jour, mais comme vous, personne ne s'y en attend », c'est vrai. Et tout le monde s'attend à recevoir, à voir à un moment donné un personnage arriver. Les personnages n'y arriveront pas comme ça. Ça va rentrer non par quelle porte? Ça rentre par l'humain, ça rentre pas par la porte de la maison. Et quand on parle du retour du Christ, c'est commencé, c'est évident. Mais le Christ, c'est un terme alchimique qui existait à l'époque des Esséniens, qui apparemment veut dire Messie, Sauveur. Et on reçoit le Christ. Donc, on reçoit le Messie, on devient un Messie. On reçoit le Sauveur, on devient un Sauveur. On se sauve soi-même, ça va de soi. Christ veut dire énergie supramentale. C'est de l'énergie christique. Normalement, à Pâques, les alchimistes s'en vont dans la forêt et déguisés en fantômes, ils ôtent leurs draps, ils les attachent entre quatre piquets. Et puis là, ils attendent que la rosée de Pâques vienne créer, vienne humidifier les draps. Et là, ils vont tordre les draps dans des chaudières. Et par la suite, ils vont faire chauffer l'eau, comme de l'eau d'érable. Alors, l'eau va s'évaporer. Et il va rester des cristaux dans le fond. Ce qui est illogique. Il n'y a pas de cristaux dans la rosée, parce que la rosée, c'est de l'eau plus ou moins distillée. Mais à Pâques, effectivement, on ramasse des cristaux. Ces cristaux-là sont appelés cristaux christiques. Et les alchimistes les ramassent et ils vont en faire une huile qu'on appelle l'huile christique, qui a un paquet de propriétés, très alchimiques d'ailleurs. Ça peut faire différentes choses. Alors, quand on parle d'énergie christique, on ne parle pas d'un personnage, on parle réellement d'un personnage qui a eu un contact avec l'énergie christique, on parlera du Christ. Dans l'Église, on parle du Christ, on parle de Jésus ou on parle de Jésus-Christ. Trois personnages différents. Jésus, c'est l'enfant. Le Christ, c'est ce qui va descendre et ce qui va nécessairement entrer en contact avec les individus en tant qu'intelligence ou Esprit Saint. Et Jésus-Christ, c'est l'addition des deux. L'intelligence supramentale, le Nazaréen, la différence qu'il avait, c'est qu'il était en contact avec l'intelligence supramentale, donc il était Christ. Il était en contact avec le plan bouddhique, le plan de la gratuité. C'est ce qui lui a permis d'exprimer l'intelligence avec autant de non-attachement. Que l'humain appelle l'amour, mais un amour que l'humain n'a jamais pu comprendre à l'époque et qu'aujourd'hui l'humain ne peut pas appliquer non plus. Quand Barabbas lui demande de s'allier pour aller taper la gueule aux Romains, le Nazaréen lui dit, écoute, aime tes ennemis. Ça, il n'y a pas un humain sur la planète aujourd'hui qui est capable d'aimer ses ennemis. T'es un ennemi, par définition, on l'aime pas, on l'haït. Si je l'aime, c'est plus mon ennemi. Puis j'ai besoin d'ennemis pour me prouver. Le Nazaréen était donc en contact avec le plan bouddhique, le plan de gratuité, ça n'a rien à voir avec Bouddha. Et le Nazaréen est en contact finalement avec le plan de l'intentionnalité, que dans l'ésotérisme on appelle le plan divin, le plan du Père, le très haut Père dans les cieux, ce qui a permis au Nazaréen de faire un paquet de choses. Il avait besoin d'amis alors qu'à l'époque il n'avait qu'un seul ami, c'était Lazare, ce qui l'a amené sur la croix et d'autres petites choses, mais c'est plus nécessaire maintenant qu'on croit à ça. Et l'huile, quand tu parlais de l'huile, c'est ça dans ta voiture, c'est pas cette huile-là que tu mets? Non, je mets de l'huile ordinaire, moi, 5W30. Okay. Le Christ s'est-il rencontré avec lui-même? Sur la croix, dans le désert, face à Jean le Baptiste. Voilà, le Christ, pas le Christ, non, mais Jésus, Christ, le Nazaréen, c'est comme ça qu'il se faisait appeler à l'époque, parce qu'il appartenait à la secte des Nazaréens. Le Nazaréen ne s'est pas rencontré sur la croix. Il ne s'est pas rencontré dans le désert. Dans le désert, il a simplement extirpé l'antihomme qui l'habitait, qui l'a nommé Satan. Il l'a rejeté. Et c'est quand il a rencontré Jean-Baptiste qu'il s'est rencontré lui-même. Arthur s'est-il rencontré? Non. La rencontre avec son esprit est-elle la fin de la vie de l'homme? Ouais, c'était une bonne question. Là. C'est mon intervieweur qui a dit. Là, quand l'humain rencontre l'esprit, est-ce que sa vie finit? Non. Quand l'humain rencontre l'esprit, il crie tout fort, esprit. Parce que là, il se rend compte qu'il y a bien des affaires à faire encore. Et puis, sa vie commence. Et sa mort finit. Dans toutes les formes des mots. Il peut mourir. Et puis, il vivait tout le temps. Je ne vois pas comment un ego peut se séparer et s'incarner en plusieurs personnes. Pourquoi est-ce que l'ego de Jésus ne s'est pas fusionné avec Christ? Nos égos ne doivent-ils pas devenir un avec notre esprit? Voyez-vous, on prend du soufre et on prend de la limaille de fer. On les mélange ensemble, ça crée, le soufre c'est jaune, la limaille de fer c'est noir, et là ça va créer une espèce de perturbation plus ou moins grisâtre, jaunâtre. Si, et là je vous mets au défi de séparer la limaille de fer des grains de soufre. Vous allez dire, ouais, tu sais, c'est pas mal fusionné. Amenez-moi le plat, je vais prendre un aimant, puis moi vous séparer ça en 30 secondes, c'est réglé. Ça n'a jamais été fusionné. Vous n'aviez pas l'outil pour séparer. Le Christ mélangé à Jésus, c'est exactement ça. Sauf que l'humain, ce qu'il doit faire aujourd'hui, lorsque l'énergie supramentale va descendre chez lui, ça va créer effectivement un mélange de soufre et de fer. Et là, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est passer tout ça à l'initiation solaire. On met ça sous une flamme et on fait chauffer le soufre et le fer, ça va créer du sulfure de fer. Et là, vous ne pourrez pas le séparer. Là, il y aura eu fusion réelle. C'est un peu la même chose. Quand on dit l'ego de Jésus, pourquoi l'ego de Jésus ne s'est pas fusionné avec le Christ? Il n'y a pas un seul ego qui va se fusionner. L'ego va servir uniquement, l'ego il sert à créer la charpente qui à un moment donné va permettre à l'intelligence supramentale, donc à l'énergie christique, de descendre. C'est l'ego qui va créer le double éthérique. Mais l'ego présentement, avant de créer le double éthérique, l'ego devient l'endroit où on a placé le trésor dans le ciel. Chaque fois que l'être humain plaçait de l'énergie quelque part dans le ciel, il le plaçait dans un égrégore. Un des grands égrégores du monde de la mort, donc du ciel, c'est l'âme. Si on place des choses dans l'âme ou des autres ou dans le nôtre, on garde. On ne peut pas se faire voler ça. Sauf qu'on ne peut pas s'en servir. Un jour, on apprendra à s'en servir. Quand on aura un ego absolument puissant, quand on aura une technologie extraordinairement géniale, quand on sera rendu vers la fin du 20e siècle. Alors maintenant, l'humain qui va évoluer, qui va se conscientiser après l'évolution, parce que l'évolution, c'est simplement qu'on se parfait sans rien comprendre. La conscientisation, c'est lorsqu'on commence à conscientiser les mécaniques. On commence à être d'accord, pas parce que Dieu le dit. On commence à être d'accord parce qu'on se rend compte que c'est évident, que c'est intelligent, c'est esthétique, ça va de soi. On pourrait faire mieux, mais on commence à conscientiser les mécaniques. On peut être d'accord de ne pas polluer parce que c'est la loi ou parce que ça plaît à Dieu. Et à un moment donné, on conscientise l'absurdité de polluer. Donc, on conscientise l'intelligence de ne pas polluer. On n'a plus besoin de règlement de Dieu, de commandement de Dieu. Moins l'humain a besoin de commandement de Dieu, plus l'humain devient divin. Moins l'humain a besoin de règlements, plus l'humain devient divin, plus l'humain devient parfait. Et je ne dis pas que celui qui, on parle bien, celui qui va appliquer parce que ça devient évident, il n'y a plus besoin des commandements ou des règlements. Je ne vois pas comment un ego peut se séparer et s'incarner en plusieurs personnes. L'ego, il faut probablement comprendre ce que c'est l'ego. L'ego, c'est une accumulation de mémoire et d'expérience. Bon, ce soir, je n'aurai pas le temps d'expliquer. Plusieurs savent, j'ai déjà expliqué souvent. On va revenir là-dessus de toute façon. Mais un ego, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous habite, qui peut avoir peur, qui peut être inquiet, qui peut être gêné, qui peut être heureux, qui peut désirer du chocolat, qui peut désirer aller se coucher, qui peut désirer une relation sexuelle. L'ego, c'est pluriconstitué. C'est constitué de plusieurs facettes. Alors, une personne est très heureuse, on lui dit qu'elle est laide, l'ego va tourner immédiatement, puis la partie qui peut se nourrir de colère va venir s'exprimer. Et la personne qui vient de se faire traiter de laide commence à crier. L'ego, c'est de l'énergie Quand le corps physique meurt, il se désagrège. Donc, chaque particule regagne la Terre, et à un moment donné, probablement, que ce qui a constitué un corps physique finira par en constituer plusieurs. Des arbres, des pissenlits, peut-être même nourrir un chevreuil, nourrir un humain, etc. Présentement, nous respirons de l'oxygène qui a appartenu à tout ce qui a existé sur le plan planétaire. Et tout ce qui nous constitue a déjà passé à travers un animal ou un être humain. Et il y a tellement eu d'humains sur la Terre que la majorité de tout ce qui nous constitue, les minéraux, les molécules et les atomes, ont déjà servi dans d'autres corps physiques. L'ego, c'est la même chose. Lorsque l'ego quitte le corps physique, il est entouré d'une enveloppe, l'enveloppe périsprétique, l'enveloppe de l'âme. Et l'ego flotte dans l'âme. Et ce qui le fait flotter, c'est des mémoires d'expérience qui ne se sont pas cristallisées sur l'ego. Lorsque l'ego traverse le plan moronciel, qui est un plan de transition, si on ranime le corps physique, l'ego, l'âme va revenir. La personne n'était pas morte, mais le corps physique était mort. Si la personne gagne le monde astral, le monde de la mort, le ciel, l'enveloppe de l'âme, elle, elle est constituée d'énergie vitale. Elle ne peut pas rentrer dans le monde de la mort. Alors, l'âme et l'ego grand gagnent le monde de la mort, et là, elle est totalement digérée. Elle pourrit. Elle est totalement défaite en morceaux, comme le corps physique sur le plan planétaire, pour la simple raison que, d'ailleurs, c'est ce que l'Église va dire, on parle de la phase purgatorielle. Alors, ce que vous aviez comme défaut, lentement, vous le perdez, et puis lentement, vous vous purifiez, jusqu'à temps qu'il reste uniquement ce qui est le plus haut. Mais vous n'êtes plus vous-même. Puis qu'est-ce que c'est ne plus être soi-même? Si toi, tu es colérique, mais la journée que tu ne l'es plus, tu n'es plus ce que tu étais. Mm-hmm. Bon, s'il n'y a plus peur, il n'y a plus colérique, il n'y a plus envieux, il n'y a plus jaloux, il n'y a plus inquiet, il n'y a plus rien de ça. Alors, c'est plus lui. Et si je trouve la partie peureuse, je vais reconnaître la partie peureuse de Jocelyn. Si je trouve la partie hautement spirituelle, je vais reconnaître la partie spirituelle de Jocelyn. Mais ce n'est plus lui. Et là, ce qui va arriver, c'est que les parties de peur, qui sont similaires à des parties de peur que vous avez connues, bien, ça va faire comme le corps physique. Ça va se fusionner. Et ce qu'on doit comprendre dans la réincarnation, c'est une chose que l'humain... c'est une chose que j'ai amenée à un moment donné, il y a quelques années. Ce n'est pas encore suffisamment connu. Ça prend plus de temps, de parole, pour bien le comprendre, souvent. C'est que l'ego ou l'âme, tout ce qui est dans le monde de la mort, ne choisit pas ni le lieu, ni le temps, ni le corps dans lequel il va se réincarner. À un moment donné, deux parents vont créer un corps physique par des mélanges génétiques. Le corps physique va commencer à attirer du monde de la mort des mémoires qui peuvent se servir du corps physique. C'est le corps physique qui décide qui se réincarne. Et là, c'est pluriconstitué. Le cerveau particulier attire des mémoires pouvant s'en servir. Les bras attireront des mémoires pouvant s'en servir, etc. Et c'est ce qui va faire qu'à la préadolescence et à l'adolescence, l'enfant finit par totalement se perdre parce que le corps commençant à vivre une maturation sexuelle, ce sont maintenant des mémoires d'adultes qui veulent posséder l'enfant pour commencer à jouir émotivement d'un nouveau corps. Alors l'enfant se fait tapocher par des mémoires d'adultes qui se réincarnent. L'enfant finit par rejeter ses parents. Les adultes qui se réincarnent ne veulent rien savoir de ces parents-là. Rien de l'école, rien de la société, il ne comprend plus rien, il est en révolte, il veut jouir de la vie. Ces entités-là qui viennent posséder l'enfant veulent jouer de son corps. L'enfant, à travers ça, essaie de se retrouver, c'est la crise de l'adolescence, et bien souvent, et bien dépendamment de ce qui s'est passé avant, de ce qui se passe pendant l'adolescence, de ce qui se réincarne, on aura un adulte qui sera reconnaissable ou pas du tout. L'ego ne se fusionne pas avec le Christ. Pourquoi? C'est exactement comme si on demandait pourquoi le corps physique ne se fusionnerait pas avec l'esprit. On doit prendre le tronc d'arbre, on doit le brûler, on en fait de la cendre, et la cendre, on la met dans l'eau, et on en fait de la potasse, puis là, on peut laver notre linge. Mais si on veut laver notre linge directement avec l'arbre, on ne peut pas. Ce qui constitue l'ego est de l'énergie. Cette énergie-là, elle est absolument essentielle dans l'avènement de l'homme nouveau, de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau. Sauf que l'ego, c'est un réceptacle extrêmement dense d'énergie, de mémoire. Cette énergie-là, ici, elle contient de l'information, c'est de la mémoire. Mais la mémoire ne sert pas le Christ, la mémoire ne sert pas l'avènement d'un être nouveau. La mémoire, elle sert l'individu, homme, femme, enfant, qui n'a pas de contact avec son esprit, donc qui n'a pas la capacité, comme le Nazaréen ou certains apôtres, de savoir, lorsque c'est nécessaire qu'il sache, tout ce qu'il a besoin de savoir. Alors, temporairement, il y aura de la mémoire. Et toute notre énergie qu'on ramasse et qu'on crée et qu'on génère depuis des milliards d'années, elle est ramassée dans le monde astral, dans des égos qu'on appelle des dieux, ou dans des égos humains qu'on appelle « je » ou « moi ». Cette énergie-là, dans pas grand temps, pour plusieurs personnes, elle va commencer à être fractionnée par ce qu'on appelle un ajusteur de pensée, qui est un canal qui permet à l'énergie christique ou l'énergie supramentale de descendre toucher l'ego. Et là, on va fractionner l'ego progressivement. Au départ, c'était douloureux pour certaines personnes, ça sera de plus en plus doux. C'est ce que j'appelle la négoïsation, la fonte de l'ego. L'ego fondant, ça va donner de l'énergie. Cette énergie-là va rectifier le corps physique. Elle va améliorer énormément ce que vous êtes. Donc, vous n'aurez plus besoin de vouloir exprimer. On va devenir transparent, désinhibé, pur. Et l'énergie excédentaire va être projetée dans le plan moronciel pour créer une enveloppe, qui est le double éthérique. Et c'est cette enveloppe-là qui va recevoir la majorité de ce qu'on appelle l'intelligence supramentale ou de ce qu'on appelle étant le Christ. L'humain, par la suite, va se rapprocher de cette enveloppe-là et va se fusionner. Le double éthérique va se fusionner au corps de chair et ça va créer un corps de lumière. Il n'y aura pas d'ego. Il faut une âme pure. Une âme pure, c'est une âme transparente, une âme sans ego. C'est aussi une âme sans égal. Hein? Mm-hmm. Comment expliquer la personne, tu disais, je suis colérique, je deviens plus colérique, donc je ne suis plus la même personne, mais la personne redevient colérique après X temps. Bon, ce qui arrive, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la négoïsation, s'il y a une fonte de l'ego, plus l'ego fond, plus l'ego devient puissant chez lui-même. Alors, j'ai expliqué un petit peu, c'est un peu compliqué à expliquer. On va prendre l'exemple qui était facile, c'est qu'on prend un charbon ardent, par exemple, extrêmement rouge, on ne peut pas le toucher. Il est tout petit. Si on l'emballe de milliers de couches de papier d'aluminium, on pourra le prendre sans problème. Il sera beaucoup plus gros, on aura un gros ego, mais qui n'est pas trop chaud. Si on a des couches, la négoïsation, c'est ce qu'elle fait, c'est qu'elle ôte des enveloppes de papier d'aluminium. Alors, notre ego diminue, mais la chaleur se fait de plus en plus sentir. Alors, l'ego devient de plus en plus puissant au fur et à mesure de la négoïsation. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui ont l'impression de rempirer, alors qu'en même temps, leur intelligence va. Le Nazaréen a été très colérique à un moment donné. D'ailleurs, quand il a rencontré le Baptiste, ils se sont battus dans le Jourdain. Ça a été un personnage qui était typique des Juifs de l'époque, relativement belligérant. Quand il a fini d'en égoïser totalement ce qu'il était, donc quand il a rejeté l'antihomme dans le désert, par la suite, il est devenu un être beaucoup plus placide. Et l'humain a retenu du Nazaréen un personnage qui, finalement, n'a pas de traits, n'a pas, mm-hmm. Il n'y a rien. Il n'y a même pas d'émotion, ça veut dire « je te déteste, je t'aime, c'est la même affaire, tout et rien d'autre ». Sauf que le Nazaréen, au fur et à mesure de sa fusion avec lui-même, il est devenu un personnage où il pouvait exprimer. La preuve, on aura la colère dans le temple, où c'est une colère mentale, sauf que, encore là, si on voit un film, c'est à peine si on voit une nuance chez lui. T'sais. C'est un personnage qui, finalement, il n'est plus en contact avec son corps physique. C'est ce que l'humain a retenu. Alors, plus on va s'en égoïser, plus le charbon ardent devient puissant. Normalement, le mental devient aussi puissant pour le contrer, mais c'est ce qui va faire en sorte que de temps en temps, une personne peut redécouvrir des symptômes qu'elle croyait ne pas avoir. Mm-hmm. Est-ce que ça vaut la peine de se dépeindre devant une personne qui nous perçoit mal? Pas pour le justifier, mais pour aider l'autre personne à percevoir autre chose qu'il voit. Bon, c'est très risqué parce que, premièrement, habituellement, nous-mêmes, nous nous percevons très mal. Surtout, c'est que si une personne nous perçoit mal, vous allez aller vouloir, disons, Jocelyn me perçoit mal, alors je veux me dépeindre, mais pas pour me justifier. Vu qu'il me perçoit mal, il est sûr que c'est pour me justifier. Donc, en partant, ça va des fois très mal. En plus, tout ce que je vais lui dire, il va de toute façon le contrer d'une autre façon. Mm-hmm. Ça ne vaut pas la peine. Surtout, soyez ce que vous êtes vous-même, puis laissez donc faire ce que sera l'autre. Oui, mais ça crée des problèmes. Ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes pendant combien de mois, combien d'années? Mais tout le temps qu'on va perdre à travailler pour s'organiser devant autrui, c'est du temps qu'on perd à travailler pour s'organiser devant nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous dépeindre devant quelqu'un et disons que ça arrange les choses. Mais dans un an, il y aura un autre qui va arriver, qui ne vous comprendra pas aussi, qui va mal vous juger. Alors là, vous allez vous dire, bon, ben écoute, je vais me dire, lui aussi, il faut que, bon, mais dans 5 ans, il y en aura un autre. Puis dans 10 ans, il y en aura encore un autre. Vous n'aurez jamais fini. Alors, à un moment donné, on doit mettre fin à toute cette évolution. Parce que l'évolution, c'est toujours de monter en fonction d'autrui. On doit mettre fin à l'évolution. Et on doit commencer la conscientisation. Ça, c'est monter par l'intérieur en fonction uniquement de ce que nous sommes. Et non pas en fonction de nous. En fonction de ce que nous sommes. C'est très important. On peut poser la question fondamentale aujourd'hui. On peut poser la question à plusieurs personnes. Bon, qui es-tu? Vu que tu es réchauffé un peu, puis tu connais plusieurs des pièges à mes questions, tu peux répondre comme il faut. Mais, on demande à quelqu'un, qui es-tu? C'est qui lui? Bon, c'est qui elle? Et continuellement, on va tout nous décrire des barrières. Ah, lui, c'est un pilote d'hélicoptère. Ah, je sais qui il est. Elle, c'est la fille qui a gagné 1 million l'autre fois. Ah, je sais qui elle est. C'est... Je ne sais rien. Je sais qui l'a de l'expérience de pilote. Je sais qu'elle a de l'argent, mais je ne sais toujours pas qui il est. Et je ne sais pas non plus qui elle est. Nous, c'est la même chose. Quand on va voir mettre au clair avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on va lui expliquer? Tu sais, moi, là, j'ai déjà travaillé avec des personnes qui ont toujours voulu mettre ça au clair. Il y a un gars, entre autres, on s'en allait sur un appel. Moi, j'étais préposé sur une ambulance. Je commençais à travailler pour ça. Alors, le gars qui était chauffeur, puis lui, c'est le conducteur à l'époque, c'est le patron. Même si c'est celui qui ne connaissait rien, c'est le patron. Alors, on part de Maisonneuve, on arrête devant l'hôpital Maisonneuve. Il y avait un feu, le feu était vert. On allait sur un appel d'urgence. Il y avait une madame qui avait son automobile là. Lui, il aurait pu passer à côté. Il y avait une grosse, grosse ambulance, un sirou. Il se colle en arrière d'elle, puis il envoie la sirène. 6h du matin, dimanche matin, devant l'hôpital Maisonneuve, il envoie la sirène. Le feu était rouge, il n'y a pas de trafic, il voulait qu'elle passe. Elle n'a pas passé, le feu était rouge. Mais là, en dedans, ça va bien que l'autre, il poussait. Puis dans le miroir, elle ne voyait rien. C'est une grosse, grosse Bertha. Puis elle ne passait pas. À un moment donné, le feu passe au vert, elle s'en va à Stas. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête en arrière, il laisse la sirène dessus, il débarque, il s'en va l'engueuler. Après ça, il y a quelqu'un qui sort dans la rue et qui commence à donner. Il me dit, tu sais, pense pas que je suis un gars qui tourne même. Je suis un gars bien calme habituellement. Pense pas que je suis colérique. Là, il voulait mettre ça. Moi, j'ai pensé qu'en plus de tout ce que j'avais vu là, qu'il était un maudit menteur. J'ai pensé. Puis j'avais raison. Parce que le gars qui n'est pas colérique, là, c'est vrai qu'il n'est pas colérique. Quand il n'y a pas de raison, il n'est jamais colérique. Mais donnez-lui un pas, par exemple. Alors, lui se justifiait continuellement, mais toujours en face de lui. Si on a à s'exprimer ou à expliquer à quelqu'un, même si ce n'est pas pour se justifier, ça va virer contre vous. Tout ce que vous pourrez dire pourra être tenu contre vous. Hein? Ça fait partie des lois humaines, ça. Bon, donc on doit faire attention. Et ça va surtout souvent servir à nous camoufler nous-mêmes. On n'a pas besoin de ça. Sachez une chose, ce n'est pas ce que vous dites qui est important, c'est ce que l'autre reçoit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un pense que vous êtes un hypocrite, c'est que tout ce que vous exprimez est d'hypocrisie en face de lui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'allez pas lui expliquer que vous n'êtes pas hypocrite. Il y a quelque chose chez vous qui fait que certains récepteurs, certains humains, là, qui sont peut-être très hypocrites eux-mêmes quand même, découvrent que vous l'êtes. Et c'est à vous de travailler simplement sur ce que vous exprimez. Mais quand je dis de travailler sur ce qu'on a, sur ce qu'on exprime, deux façons de le faire. On essaie d'exprimer autre chose, mais sans lui parler, c'est intéressant. Ou on essaie simplement de laisser tomber ça, puis continuer à travailler pour être bien avec nous, pour apprendre à s'aimer soi-même, ce que l'humain ne peut pas faire encore sur la planète. L'humain aime l'image qu'il projette de lui-même, mais l'humain ne s'aime pas encore lui-même. Je ne connais pas. T'en connais des humains qui s'aiment? Je parle pas égoïquement, là. Qui sont bien avec eux autres. Tu veux-tu vraiment que je réponde? Ouais. Non. Oui, il connaît personne. Pas de la peine, maintenant. C'est parce que c'est pas que les bonnes. C'est ça que je voulais dire. Peut-être que je suis pas dans bonne gang aussi. T'sais. Non, mais n'empêche que si on pose la question, ça va être souvent non. Ça va être non, oui. Puis là, on se dit, ouais, comme tu dis là, est-ce que tu veux que je réponde? C'est comme si on était pour jeter un foie sur l'évolution. Mais les humains qui s'aiment réellement, qui sont bien avec eux-mêmes, présentement, j'en connais pas. Il n'y en a pas. Il y en a qui sont prêts. Qui se disent être bien. Oui, mais il y en a plusieurs qui le disent. Puis si j'essaie de les contredire, je vais les rendre malheureux. Donc, j'avais raison, ils ne s'aimaient pas suffisamment pour être capable de supporter. On n'a pas à essayer de se justifier devant autrui, ni devant soi-même. C'est tellement, tellement, tellement du temps perdu. C'est toujours à recommencer. Monsieur Kemp. C'est moi. Personne. C'est marqué, moi je lis, hein, je suis payé pour ça. Qu'est-ce qui se passerait-il si je répète... Faut que je te parle à propos de ça. Ah, je sais, oui. C'est... T'es sûr? Bon, ben écoute, Daniel, là, on va jaser moi et toi. Que se passerait-il si je répétais mentalement 35 000 fois la formule? Je suis uni à l'unique pouvoir, l'unique substance, l'unique intelligence, l'unique lumière, l'unique amour. Premièrement, vous allez perdre le compte en vous en allant. Probablement avant les 50 ou les 75, mais ça dépend des personnes. Qu'est-ce que le pouvoir? Quand on se conscientise, on découvre que le pouvoir est l'asservissement de la puissance par un ego humain. Il recherche le pouvoir. Il gagne le pouvoir quand il gagne aux élections, il veut développer des pouvoirs. Puis il y a le pouvoir sur quelqu'un. La puissance, c'est une énergie qui peut énormément et qui n'est pas assujettie au contrôle d'un ego humain. La personne pourrait dire, ah ben c'est ce que je voulais dire. Bon, à l'unique puissance. À l'unique substance. Déjà au niveau de la conscientisation, quand on se détache un tout petit peu du continuum spatio-temporel dans lequel est exprimé les 11 dimensions de notre planète, il n'y a pas de substance. Puis ce qui est au-delà de ça est même pré-temporel. Et un peu plus loin, ça devient totalement non-temporel. Et on est toujours dans la création. Donc la personne se limiterait énormément. L'unique intelligence, il y a déjà une seule intelligence. Donc, on n'a même pas besoin de dire l'unique intelligence. Ce qui fait qu'en partant, la personne va aller chercher une illusion dans l'astral qui va essayer de se prouver comme étant unique. L'unique lumière. La lumière est une visualisation illusoire donnée dans la conscience de l'humain pour lui permettre de comprendre un peu plus ce qu'était l'ascension volitive, l'ascension vers une évolution ascendante. Et la lumière, c'est ce qui est de plus haut comme expression grâce à sa vitesse, disons près de 300 000 km à la seconde, et c'est extrêmement bas parce qu'au-delà du continuum que nous connaissons, les vitesses sont beaucoup supérieures à la vitesse de la lumière. L'illusion de la lumière est encore une illusion astrale spirituelle qui va faire en sorte que la personne va se relier à n'importe quelle des lumières astrales, donc des condensés de conscience humaine, qui va vouloir se relier à elle. À l'unique amour. L'amour, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Donc, en partant, si on veut se relier à l'unique amour, il faudra que l'amour aime. Et si nous, on veut aimer l'amour, on n'est déjà pas relié à l'amour. Si l'amour aimerait, elle choisirait ceux chez qui elle va. Mais quelle que soit sa hauteur, sa grosseur, son poids, sa laideur ou sa beauté, quels que soient les crimes qu'il ait commis ou les choses qu'il aurait dû faire, il est capable d'aimer et il trouvera être aimé. Les écureuils, les chiens, les chevaux, les humains, tout ça, ça trouve à être aimé et à aimer. Parce que l'amour n'aime pas. Parce que l'humain aime d'un amour dénaturé, il va aimer une personne, moins aimer l'autre, en détester une autre, etc. Donc, 35 000 fois se dire « Je ne vaux rien. Je ne suis rien. Je n'ai jamais été rien. Je ne saurai jamais rien. » Ça va créer quelque chose qui ne soit pas grandiose. « Je suis uni à l'unique pouvoir. » Faut voir. « À l'unique substance, à l'unique intelligence, à l'unique lumière, à l'unique amour. » Ça fait partie des mécaniques d'illusion dans l'évolution. Et là, je ne veux pas que la personne se sente frustrée ou attaquée. Ce que je veux dire, ce n'est pas parce que certaines personnes répètent sans arrêt « Hare Krishna, Hare Rama » qu'ils finissent par devenir ou Krishna ou Rama. Ce n'est pas parce qu'une personne répète sans arrêt « Je suis Dieu le Père, je suis Dieu le Père, je suis Dieu le Père » qu'elle finit par le devenir. Ce n'est pas ça le verbe. Premièrement, de comprendre que le verbe exclut toute forme de répétition. Le verbe, c'est une prononciation. Alors, quelqu'un qui répète une prière ne fait que mettre de l'énergie. Quelqu'un qui prononce une prière donne un ordre magique. Prononcer 35 000 fois, il faut comprendre une chose. La prononciation, la 35 millième prononciation, a la même puissance et est égale de la première prononciation. Vu qu'il n'y a pas eu de répétition, il n'y a pas de cumulation d'énergie ou d'événements. L'humain doit être capable d'assumer ce qu'il dit. L'humain doit être capable de s'assumer lui-même. L'humain doit être capable d'avoir une autorité mentale dans l'astral. Et l'humain doit totalement se désassujettir des mécaniques McDonald's, de l'évolution rapide. C'est commande à l'auto. La personne ici, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que elle sait inconsciemment, peut-être consciemment, mais elle sait inconsciemment, que ça ne donnera rien. Et c'est pourquoi elle n'a pas dit 1000 fois ou 10 000 fois. C'est pourquoi elle a dit 35 000 fois. Pour se donner suffisamment de possibilités de comprendre pourquoi elle a manqué son coup. Ce n'est pas en répétant ou en se faisant crucifier pour répéter ce que le Nazaréen a fait ou en répétant une formule. Surtout quand je dis souvent à une personne, par exemple, « Je veux être uni à l'unique paix. » Personne ici sait c'est quoi la paix. Alors, vous ne saurez jamais si c'est à la paix que vous êtes unis ou à n'importe quoi d'autre. À l'unique lumière. La lumière, ce n'est pas uniquement une question. Vous savez, les ondes radio, c'est de la lumière. Les micro-ondes, c'est de la lumière. À l'unique lumière. La personne va dire, oui, mais moi, c'est l'énergie fondamentale. Mais l'énergie fondamentale, si c'est yin et yang, il y en a deux, laquelle vous prenez? Ah non, moi, c'est celle qui a formé ça. Mais celle qui a formé ça, si elle n'est pas exprimée dans le contexte actuel, vous ne pourrez jamais la trouver. Alors, vous allez aller vous brancher à n'importe quelle illusion astrale qui va venir se pointer devant vous en disant « c'est moi ». Ah, ça n'arrivera pas comme ça, c'est de la lumière que vous cherchez. Vous allez en avoir de la lumière. Mais cette lumière-là, elle ne vous amènera jamais rien d'autre que de la lumière. Ça va vous aveugler, tout, ça ne vous éclairera pas. On doit faire attention à des rituels comme ça. C'est comme certains Tibétains, ben, des moulins à prière. On tourne ça. La seule façon de rejoindre Bouddha, c'est de faire tourner son moulin à prière. Il y en a un qui meurt et dit « j'ai pas réussi ». Pourquoi? J'ai vécu 2 ans de... Je meurs 2 ans trop vite. Il aurait fallu que je mette plus de... Non. C'est pas ça. C'est surtout pas par la répétition. Oui? Oui. Par hasard, il y avait un film de Jésus après-midi à la télévision. Ah oui, c'est ça. Ça donnait comme ça. Un hasard comme ça, oui. Puis, à quel poste? Il y en avait un sur tes postes. Tu n'y es pas. Tu voyais Jésus qui, le petit Jésus, créait un oiseau comme ça. Puis le rabbin, à qui on lui pose une question, il répondait que c'est impossible de créer quelque chose à partir de rien. Après, il avait lu Descartes. C'est un bon film, hein? C'est un très, très bon film. Donc, il ne créait pas de l'illusion, lui, là? Exact. Mais il créait de l'illusion quand même. Parce que c'est pas celui qui parle qui est le problème, ceux qui écoutent. C'est pas celui qui invente une chose, c'est ceux qui regardent. L'illusion, elle apparaît uniquement chez l'observateur. Celui qui accomplit une chose réellement n'est jamais un menteur, ni un illusionniste. C'est les autres. Tu sais, on peut regarder, par exemple, dans l'illusion, la Bible. Bon, Dieu créa le ciel et la terre. Il y eut un jour, il y eut un matin. Sauf que le soleil était créé la troisième journée. Et on considère les journées en fonction de la rotation de la terre sur elle-même en face du soleil. Alors, comment peut-il y avoir eu un jour et un matin alors qu'il n'y a pas de soleil? C'est pas grave. Quand Caïn et Abel sont là, Caïn finit par tuer Abel. Et là, Caïn est banni. Et là, Caïn dit à Dieu, parce que c'est Adam et Ève, ils ont eu seulement 2 enfants. Ce sont 4 sur la planète. Bon. Et là, Caïn dit à Dieu, on l'a dans la Bible, « Oui, mais là, j'ai peur parce que si je m'en vais dans la montagne, je vais me faire tuer par le premier venu que je vais rencontrer. » Alors, Dieu va faire une marche sur son front et va lui dire, « Les gens que tu vas rencontrer ne te tueront pas. » Parce que malheur, celui qui va te tuer. Écoute, son 4 sur la planète, puis il a peur du peuple. Mm-hmm. Quand il y a Noé, il y a le déluge universel, il s'en va avec son arche, il arrive en Turquie sur le mont Ararat. Là, il sort, puis c'est pas long qu'il se mêle au peuple des montagnes. C'est que l'humain doit comprendre qu'on parle d'un peuple, d'un monde, qu'il y en a déjà 7 autres. Mais 6 autres. Alors, quand on parle d'illusion, c'est la personne qui reçoit. C'est pas... Parce que créer de rien... C'est quoi le rien? Sais-tu que c'est intéressant? Parce que dans la Bhagavad Gita, que tu as lu plusieurs fois d'ailleurs. J'ai même écrit. C'est ça, tu as lu le titre, je parle de Bhagavad Gita. Tu lu souvent. Alors, donc, dans la Bhagavad Gita, on parle de. D'ailleurs, au niveau du Tao, c'est la même chose. Tu connais Lao Tzu. Alors, on dit qu'au début, il y avait le chaos. C'est intéressant. C'était le bordel. On se demande si ça devait être terrible parce qu'aujourd'hui, des voleurs, c'est pas un cadeau. Mais. L'astrophysique, aujourd'hui, commence à penser qu'effectivement, juste avant le Big Bang, c'était le vide. Et le vide en astrophysique, ce n'est pas rien. C'est un chaos absolument indescriptible. Créer à partir de rien, maintenant, pour l'astrophysique, c'est très, très, très, très faisable. Rien ne se perd, rien ne se crée, il n'y a rien de plus faux. Maintenant, l'astrophysique le sait. Mais effectivement, dans un contexte planétaire actuellement condensé dans une espèce de vacuum d'espace-temps, là, la loi est bonne. La loi est toute fausse quand même. Ça dépend à quoi tu es connecté. Fait que le Nazarien aurait pu créer n'importe quoi. Ah, j'ai bien fait de ne pas l'enregistrer. Non, parce que tu as enregistré pour pas grand-chose. OK. Ici, sur la prochaine question, j'ai un petit texte là, que je vais sauter tout de suite à la question. Comment faire face à l'insécurité qui déstabilise, qui descend? Il y a une petite suite, là. Peut-être ouais. Que tu peux t'introduire. Là. Voyez-vous, on ne peut pas répondre comme ça, à moins qu'on compte des pipes. Vous allez respirer par le nez. Faites rien que ça, vous n'aurez plus le temps d'être assez sécure. Il y a tellement de choses qui reviennent aux mêmes choses. L'insécurité, c'est la peur. La peur de manquer. La peur de manquer de quelque chose, la peur de manquer quelque chose, la peur de manquer son coup. L'insécurité, c'est une manipulation qui purge de l'énergie. C'est une manipulation, pour ça, il faut que la personne commence à comprendre déjà qu'elle est manipulée, c'est pas elle qui contrôle sa vie. Et elle doit travailler sa conscience. La conscience, ce n'est pas la conscience de l'insécurité. La conscience est quelque chose qui nous amène des réponses instantanément à ce qu'on a besoin. La conscience, c'est pas uniquement de savoir qu'il y a une plante à côté de moi, puis qu'elle n'est pas vivante. Ben, elle est atomiquement vivante, là, mais pas organiquement vivante. L'insécurité, c'est fondamentalement un trou qu'on a chez nous. Alors, présentement, dans la structure de l'âme, tout à l'heure, je vous parlais que l'âme était pluriconstituée, c'est fait de blocs légaux. Mais les blocs légaux sont mal faits. Alors, de temps en temps, ils s'imbriquent mal. Alors, on essaie, au niveau de la constitution de l'âme, à travers l'éducation qu'on a de la naissance aller jusqu'à maintenant, les blocs s'imbriquent à la va comme je te pousse. Quand il y a un traumatisme, on vient de briser une partie des blocs légaux, ça revole un peu partout, la personne ne se retrouve plus. À un moment donné, les blocs se replacent à la même place, la personne se retrouve à des places différentes, elle restera, disons, traumatisée, elle aura été changée suite au traumatisme. Mais ce qui va arriver souvent, c'est que dans l'ego, il y a les blocs vont s'assembler d'une façon telle qu'il va rester des trous. Et pour un ego, lorsqu'il y a un trou, il y a nécessairement un manque. Lorsqu'il y a un trou, il y a une question. Lorsqu'il y a un trou, il y a une remise en question. Lorsqu'il y a un trou dans l'ego, il y a automatiquement une peur. Lorsqu'il y a un trou dans l'ego, il y a automatiquement une insécurité. Tous les égos sont bourrés de trous. Alors l'humain qui a un ego normal, bourré de trous, va immédiatement se mettre en quête d'une énergie compensatrice, de quelque chose qui va pouvoir boucher le trou pour que l'ego se sente bien, pour qu'enfin, astralement, psychologiquement, on se sente bien. L'amour humain est l'une des énergies qui s'adapte le mieux à toutes les formes de trous. Le problème, c'est que l'amour humain n'est pas égoïsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, je rencontre de l'amour, quelqu'un qui va m'aimer, une mère, un père, un ami, une amie, un enfant, et ça va combler mes trous. Alors, je me sens bien. Je ne me sens plus insécure, je ne me sens plus en soif d'évolution, ça va. Le problème, donc, c'est que, étant donné que l'énergie de l'amour humain n'est pas égoïsable, si on cesse de m'en donner, cette énergie-là se volatilise. Alors, je recommencerai à être en quête. La religion et la spiritualité vont engendrer la deuxième forme d'énergie qui est le plus malléable, qui s'adapte le plus et le mieux au trou de l'ego. Mais nécessairement, le prêtre doit aimer. Dieu doit aimer l'humain. On se rapproche énormément encore de l'amour, mais on la fera passer par un vecteur qui solidifiera l'amour. L'énergie religieuse, elle est égoïsable, mais elle se volatilisera quand même à court terme ou à moyen terme. Alors, pour solidifier le baume sur le cœur, on va faire passer l'amour par les mains d'un dieu. Et ça va rester plus longtemps. La personne sera capable d'être seule, puis savoir qu'elle est aimée. Et ça va combler. Rendu à un certain moment, au niveau de l'évolution, le mental se déploie. Et le mental se déployant, il va commencer à rationaliser ce qui se passe au niveau de l'ego. Alors, il va finir par découvrir que telle ou telle forme d'amour, par exemple, le besoin, devient un assujettissement, devient une esclavagisation, devient une manipulation. La personne commence à vouloir un contact mental avec autrui ou un contact intellectuel. Alors, elle va commencer à se couper de l'alimentation au niveau de l'amour. Et là, progressivement, il y a des trous qui vont commencer à être libérés. Et à travers le contact entre l'ajusteur de pensée et l'ego, de temps en temps, il y aura des petits fragments d'ego qui vont décoller, qui peuvent se replacer d'une autre façon, laissant un nouveau trou, et ça va créer cette quête. Cette insécurité. Là, j'ai expliqué la mécanique. Comment on comble ça, c'est très long à expliquer là. J'en parle souvent au niveau du séminaire, au niveau des conférences réservées aux séminaristes. On en parle aussi dans plusieurs conférences. La personne pourrait se référer à une conférence, je crois, c'est les... Je ne me rappelle plus trop du titre. Du numéro. Oui, il y a plusieurs numéros. On pourra vérifier la liste de conférences et puis il y a des conférences sur l'insécurité, sur la sécurité, sur les mécanismes de l'ennui. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait aller voir, ce qui pourrait permettre de répondre d'une façon plus globale. C'est évident qu'encore une fois, l'insécurité est un baromètre. Donc, c'est un symptôme, comme une douleur. À un moment donné, on peut effectivement s'arranger pour calmer la douleur. Mais gardez à la conscience que s'il y a un trou au niveau de l'astral, donc au niveau de l'ego, c'est qu'il y a un cheminement qui se fait ou qui s'est fait. Et même si on comble le trou, il faut continuer à rester éveillé et à continuer à se conscientiser. Éliminer la sécurité, l'insécurité, c'est d'éliminer un facteur secondaire de l'évolution. On doit être capable de supporter les trous astrales, ça va venir de toute façon. En attendant, ce qui se passe simplement, c'est que la personne elle a un trou particulier, une question sans réponse, un besoin non comblé dans l'ego. Et c'est ce qui fait que vivant avec ça, elle a de la difficulté à se trouver. Alors, il y a différentes façons. Quand on parle, par exemple, chez les vieillards qui sont en train de se laisser aller, ou même des personnes malades, de zoothérapie, ça veut dire que c'est soit un bénévole qui va voir la personne, ou soit tu l'amènes à un animal. Un singe, oui. Oui, c'est la même chose. La personne a besoin de quoi? Elle a besoin du bénévole, la même chose que le singe, le chien, l'oiseau ou le chat. Et c'est correct. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de compréhension? Non. Mais oui, le chien, l'oiseau semble comprendre. Tu sais, c'est un animal génial parce que tout ce que tu dis, il revient jamais contre toi. Il a besoin d'affection. Combler un trou astral. Quand l'ego se sent plus solide, là, il a le goût de vivre. La personne peut se garder en santé ou guérir plus rapidement. Mais c'est un peu la même chose. La personne devrait se faire des amis qui ont de l'allure. Puis dans la conscientisation, il arrive souvent à un moment donné où les personnes se disent « Ah, oh, les amis, ça ne sert à rien. » C'est parce que ce n'était pas des amis que vous aviez. C'est ça qui ne sert à rien. Parce qu'on a appelé connaissance. Trop longtemps, amis, on finit par bannir l'idée d'amis. Mais amis, ce n'est pas ça. Ou frères ou sœurs, au lieu d'amis. Mais là, on va dire les frères et les sœurs, tu sais, franchement. Ouais, t'es... Ça devient, c'est religieux, ça. Ouais, là, un petit peu obligé, là, on va résoudre. Ouais, c'est religieux, mais c'est pas ça. Un ami, c'est pas ça. Alors, les personnes ont intérêt, de temps en temps, à aller nourrir leur corps astral ou nourrir certaines choses. Présentement, ce qui arrive, c'est qu'il y a des trous, puis ce serait long, encore une fois, la meilleure chose, c'est de se référer à certaines conférences que j'ai faites sur cette... Mais c'est-tu dans les premières 1000 ou dans les deuxièmes 1000 que tu as fait? Ah, ici, n'a que 350 dans l'enregistré. Okay, okay. Alors, c'est moins pire. C'est dans les premières 350. Pour quelqu'un qui travaille sur les chiffres rotatifs des corps, de jour, de nuit, dans la même semaine, que se passe-t-il au niveau de la glande pinéale? Ça pine. En tout cas, je ne sais pas si c'est payant, mais... Si vous avez fini votre adolescence, là, faites-vous-en pas avec votre glande pinéale, OK? Puis si vous commencez votre conscientisation, si l'intelligence supramentale commence à établir un double éthérique chez vous, ce qu'on va en reparler dans les mois qui vont venir, la glande pinéale va recommencer à travailler. Ça ne dérange rien. Elle travaille surtout lorsqu'il fait noir, travaille moins lorsqu'il fait clair. Que vous soyez réveillé ou endormi, ça ne change absolument rien. Et progressivement, elle va commencer à étendre son travail sur les heures même qui sont éclairées, comme chez l'enfant. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de la glande pinéale. Tu as dit que tu appellerais des personnes pour travailler avec toi. Est-ce par téléphone, télépathique, ou bon, est-ce que c'est pour les semaines à venir? On devrait peut-être ajouter les siècles à venir. Je ne veux pas te répondre à ça, c'est clair? C'est pour les semaines à venir, mais dans mon cas, ça peut vous dire belles choses. Et puis, je vais envoyer quelqu'un les rencontrer. En attendant, ça n'empêche pas les personnes de venir frapper ou pas. C'est évident. La rencontre avec soi-même peut-elle se faire vraiment quand on a un corps physique? Oh, absolument. C'est d'ailleurs la seule façon de le faire. C'est pas moi question, là. Non, c'est... Mais avec ton corps, je le sais pas. En tout cas, faut être courageux pas mal. Ben, Jeannette me dit que de toute façon, j'étais pour disparaître physiquement. Fait que, okay, ouais. C'est peut-être une... Ouais, hein. Je vais m'assurer, je pense. Mais c'est pas d'assurance. Ouais, quoi, c'est ça. Oui, assure-toi pas, c'est pas le temps. Là. Et c'est nécessairement quand, avec un corps physique qu'on va se rencontrer avec soi-même. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on doit comprendre. C'est que les personnes, souvent, au niveau de la vision spirituelle de l'évolution ou de l'ascension, pensent que tout ce qui nous entoure est là pour nous nuire. Ça nuit uniquement parce que nous, on croit à ces choses-là. Ça nuit uniquement parce que nous, on se laisse assujettir à ces choses-là. C'est parce qu'on croit aveuglément. Ça nuit uniquement parce que finalement, on devient les esclaves de nos propres créations. Les lois, les ceci et les cela. Alors la personne va se dire, c'est le corps physique qui nuit. Alors, il y en a qui l'ont mortifié, hein? Il y en a qui l'ont massacré, uniquement parce qu'ils voulaient fuir le corps physique. Plusieurs, à un moment donné, se suicidaient, se sacrifiaient. Parce que le corps nuisait. Le corps n'est pas là pour nuire. Le corps, évidemment, vous empêche d'avancer rapidement, mais c'est la structure qui vous empêche de reculer rapidement. Donc, c'est long à faire avancer. Mais quand on pique une crise à un moment donné, là, on n'est pas 2000 ans en arrière. Le corps nous a empêché de bouger. Mais effectivement, il rend difficile un peu l'évolution vers l'ascension. Par contre, l'humain qui commence à être conscient peut consciemment cellulariser son évolution, la coder dans le code génétique. Donc, il peut en bénéficier de semaine ou de mois en mois, alors qu'il peut, évidemment, il n'ira pas cellulariser une colère. Bon. Les personnes vont dire, à un moment donné, c'est le corps vital. Tu sais, je manque d'énergie, je suis fatigué. C'est juste dormir, là. Ça nous empêche tellement d'évoluer. Non. Le fait de dormir nous gorge dans l'astral. L'astral continue à nous nourrir de façon à ce qu'on finit pas, de façon à ce qu'on n'en arrive pas à être totalement déprimé de la vie. Puis, il y a pas qu'à d'autres raisons sur lesquelles j'ai passé présentement. Bon, c'est le corps astral. c'est le corps mental, c'est les autres, c'est la matière, c'est le soleil, c'est la pluie, c'est la neige, c'est les crapauds. C'est les intraterrestres, c'est les gars à moustache, c'est les extraterrestres, c'est tout. C'est les Irakiens. Pourquoi pas? Non, absolument pas. On doit cesser de penser continuellement que nous sommes placés dans ce qu'il y a de pire. On est dans le pire des mondes, oui. Mais on est dans des situations les plus parfaites, adaptées à chacun, pour parvenir à se conscientiser, à se désinhiber, à devenir transparent, à fusionner avec notre propre esprit. Une personne va dire, « Ouais, mais regarde, moi, je suis pauvre, tu sais, si je serais riche, là, j'aurais le temps de... » Les riches, eux autres, là, ils disent tout, « Si je serais pauvre, ceux qui se conscientisent, je vous parle. » D'ailleurs, c'est pas long qu'ils deviennent pauvres, mais en tout cas. Ouais. « Si je serais pauvre, j'ai un maudit fardeau. » Ils ont raison. Leur matière les nuit. Et là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de tout laisser. Ils sont pas capables. Tu sais, le Nazaréen disait aux personnes, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, prends ta croix et suis-moi. » Ça veut dire quoi, ça? Hey, avant même de se faire crucifier, donc, on parlait pas de croix. Prends ton karma. Prends toutes les parties noires, les crottes que tu as chez toi. Amène-toi, toi, tel que tu es présentement au complet. On pourra te parfaire. Mais tout ce qui te sert de mécanique de protection, laisse-le. Puis donne-le aux pauvres. Pourquoi le donner aux pauvres? Il était bien méchant, le Nazaréen. Si la richesse s'ennuie, pourquoi fallait qu'on rende les pauvres riches? Hein? Alors, il fallait rendre les riches pauvres pour qu'ils évoluent, puis les pauvres qui les rendaient riches. C'est pas la richesse qui nuit. C'est l'état dans lequel l'humain s'attache. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il n'y a rien de plus traumatisant pour un pauvre de devenir riche. Il n'y a rien de plus traumatisant pour un riche de devenir pauvre. Mm-hmm. Pourtant, je suis pauvre. Moi, je sais pas ça comme traumatisme. Bon, ben, tout le matin, la vie t'a traumatisé un peu, tout là. Alors, l'humain va dire, justement, bon, sans corps, est-ce qu'on peut pas plus facilement? Il y en a plusieurs personnes qui se disent, oui, mais si on pourrait juste aller dans l'astral, c'est pas de corps physique, on pourrait aller fouiller dans les livres du Vatican, dans le sous-sol du Vatican. Après ça, on pourrait aller fouiller ailleurs, on pourrait... Non! Votre corps physique, là, c'est le plus grand outil. Je dis souvent à des personnes, à un moment donné, passe une heure devant le miroir, tenu à te regarder. Tu vas voir. Puis quand on regarde autrui, là, on juge immédiatement. Si on élimine le corps physique, on va éliminer le plus grand problème. Celui qui se croit plus alcoolique parce qu'il ne va plus dans les tavernes, il est peut-être encore très alcoolique, mais il se coupe des occasions de vérifier. Alors non, on a besoin du corps physique, on a besoin du corps vital, on a besoin de tout ce qu'on est. On a même besoin de nos amis, de nos ennemis. Tout ça, c'est utile. D'où l'intelligence, de ne pas haïr, la mécanique, c'est très utile. Mais il faut apprendre à s'en servir. Et à cesser de se faire asservir par la mécanique. Parce qu'on ne l'a pas. Comme à part quand on demandait de jeûner à partir de, je crois que c'est la célébration cet après-midi. Oui, mais là, ça donnait le même. C'est à cause qu'à l'époque, il y a des problèmes de transport à Pâques. OK. T'sais, puis on voulait les pas que le peuple le sache, c'est ça. C'est ça qu'on disait, okay. Jeûner. Le monde jeûnait, mais c'est parce qu'il n'y avait rien à manger. C'est aujourd'hui, on... OK. C'est simplement que le jeûne fait ceci. Le jeûne purifie le corps physique. La personne, au long de l'année, elle vit des émotions. Quelle que soit l'émotion, c'est destructeur pour le corps. Mais ça nourrit le corps astral. Les émotions vont s'exprimer dans le corps physique avec des hormones. Les hormones sont stockées dans les graisses, surtout. Quand la personne fait un jeûne, les graisses fondent. Elle libère ces hormones-là, qui sont des mémoires, finalement, d'émotions. Elle va revivre certaines émotions pendant son jeûne, bon, et puis elle va les éliminer, donc elle se purifie. Ce qui fait que, rendue à part, que la personne, elle est, du point de vue mémoriel et émotif, plus pure pour vivre l'épopée de part. Mais c'est sûr qu'une semaine de jeûne, c'est uniquement pour donner bonne conscience aux gens, c'est pas suffisant. Surtout qu'en plus, le jeûne, fait le doigt à ça, etc. Ouais, là, bon, c'est ça. Alors là-dessus, je vous laisse. La semaine prochaine, on commence une série qui va nous amener dans des mondes différents. Hein? Le mois complet, on va se sauter d'un morceau à l'autre. Il y a une question ici que je ramène avec moi, que je vais répondre la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est pas que tu dois faire avant nous et qu'on ne peut faire sans toi? Puis on va expliquer un petit peu ce travail. Alors, bonne semaine! Bonne semaine.